Vendredi matin, 6 octobre, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. Ben, dans sa chronique hebdomadaire, le directeur général du club de golf de Saint-Prime sur le lac Saint-Jean, Gilles Larouche, a mentionné hier que le club, au mois de septembre, a enregistré une nette progression en ce qui concerne l'achalandage. On estime qu'il y a au moins 100% de plus de joueurs qui se sont présentés au club de golf de Saint-Prime. Évidemment, le beau temps a fait la différence, explique Gilles Larouche. Mais il y avait un contexte en 2016, c'est qu'on avait fermé un 9 parce qu'on devait finaliser notre configuration. Et la température a été, une température d'automne régulière, mais cette année, c'est 100% d'augmentation versus 2016 et tout près de 80% 2015. Alors, c'est pratiquement, c'est plus que un mois de juin régulier. Aïe, aïe. C'est la deuxième tranche de la Coupe du monde de patinage de vitesse en fin de semaine en Nouvelle-Zélande. Et chez les femmes, aux 500 mètres, Marianne Saint-Gelais a réussi un parcours de 43 secondes et 717 centièmes pour le premier rang. Évidemment, c'est seulement les préliminaires. Elle a été la première de sa vague. Au 1000 mètres, Marianne a terminé au premier rang également de sa vague, avec un chrono de 1 minute 33 secondes et 433 centièmes. Et au relais, 3000 mètres, c'est des résultats préliminaires. Ben, l'équipe canadienne a terminé au premier rang également de sa vague ce matin avec un temps de 4 minutes 12 secondes et 534 centièmes. L'équipe est formée de Kim Boutin, Cassandra Baudette, Jimmy McDonald et évidemment Marianne Saint-Gelais. Maintenant, parlons des Saguenay de Chicoutimi. Ils ont reçu une belle nouvelle hier, c'est que l'attaquant Jamel Routsov a obtenu sa libération de la Fédération internationale russe et de hockey. Donc, il pourra effectuer ses débuts ce soir, alors que les Saguenay vont recevoir la visite des Tigres de Victoriaville. On sait que les Saguenay ont quand même pas mal de blessés. Et Morgan Nance et Joachim Paradis sont blessés à long terme, et les Saguenay ont rappelé Thomas Ferland du Midget 3. Ferland est un défenseur de 16 ans. Bonne nouvelle également pour les voyageurs de Jonquière. Martin Pouliot sera de retour à la barre de l'équipe la saison prochaine. Semble-t-il que c'est l'apogée de ces joueurs qui ont facilité la décision aux gérants de revenir l'an prochain. Les voyageurs qui aimeraient avoir des changements concernant le règlement au niveau du repêchage et également du calendrier. On aimerait, du côté des voyageurs, avoir un calendrier balancé. Donc, chaque équipe jouerait le même nombre de parties contre les autres formations. Et au niveau du repêchage, si un joueur qui a été repêché par une équipe ne se présente pas, il serait suspendu un an. Et l'équipe qui a perdu le joueur aura un choix compensatoire. Évidemment, c'est des recommandations que les voyageurs aimeraient avoir à compter de l'an prochain pour le calendrier et également le repêchage. Je vous invite à quitter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Hugo Maltin, le président du hockey mineur de Robertval. On a également parlé avec Gilles Larouche, le directeur général du club de golf de Saint-Prime. Et je vous ai passé une entrevue que CKJ a fait avec le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, Richard Martel. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.